Chapitre 5. Madame Picot était désolée. Son rêve d'avenir était brisé. Elle avait voulu faire de son fils un monsieur, lui assurer une situation honorable, et l'ingrat lui brisait ainsi le cœur. Elle en connaissait des peintres. À Saint-Pierre-sur-Dive, deux individus avaient passé un mois pendant la dernière saison. Elle les avait vus en allant au billot sur le bord de la route, assis sur des pliants et peignant sur des toiles un mètre de cailloux. En voilà une occupation. Ils étaient vêtus de vestons de velours, comme des charpentiers, coiffés de chapeaux noirs, débraillés. Et quelle noceur! Ils avaient révolutionné le bourg pendant qu'ils y séjournaient. La patronne de l'hôtel, où ils étaient descendus, les jeta à la porte un soir, qu'il avait eu le toupet d'amener des filles de camp et de faire dans leur chambre un bacchanal à tout scandaliser. Une orgie, quoi! Ah, le beau monde qu'il allait fréquenter, son cher Jean! Artiste, lui, voilà ce qui lui avait tourné la tête, ses lectures. Il passait des journées à feuilleter des collections de journaux illustrés et à lire des romans. Ah, si les parents pouvaient prévoir tout cela! Et ce qui la chagrinait le plus, c'est qu'elle voyait dans quelle vie de misère allait tomber l'artiste. Tous décrèvent la faim, ces gens-là. Avait-on idée d'un projet pareil? Elle songeait, bouche ouverte, ses yeux humides fixaient un angle du comptoir. « Quand tu resteras là sans bouger, dit son mari brusquement, ça ne nous avancera pas. »« Qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Ah oui, pleure maintenant. Je vais lui répondre, attends un peu. Il n'aura pas un liard de notre argent. Et il a le toupet de croire que je vais continuer à lui envoyer 100 sous par jour pour faire un métier de feignant. » Le père Picot s'assit au comptoir et se mit à écrire pendant que sa femme montait à sa chambre en pleurant.